facile. Maman créole, faut pas pleurer. Élever ses enfants est une lutte acharnée. Tu l'as mené dans la dignité. Même si pour toi rien n'est facile. Maman créole, faut pas pleurer. Élever ses enfants est une lutte acharnée. Tu l'as mené dans la dignité. Faut pas pleurer. Élever ses enfants est une lutte acharnée. Tu l'as menée.